Chapitre 19e. Le brave Joseph s'était livré au même calcul que les armoises. Il s'était dit qu'il aurait tout l'après-midi pour ouvrir son cœur à Angèle sans que Mme Sénéchal fût là pour l'intimider. Jamais pour oser il ne rencontrerait une occasion plus favorable. Il avait donc osé venir à Bélisy sans y être invité, mais là s'était arrêtée son audace. Et depuis qu'il s'était timidement assis sur le bord du divan, il ne trouvait plus un mot pour soutenir la conversation avec Angèle, qui lui tournait le dos et continuait sans façon la toilette de ses fraises. À la vue de Toussaint, René ne put dissimuler un mouvement de dépit. Et Joseph lui-même profita de la fraîche obscurité où les verdures de la fenêtre plongeaient la salle à manger pour rougir jusqu'à la racine des cheveux. Angèle se retourna, ébaucha gaiement une leste révérence, et sa physionomie, légèrement contractée par un commencement d'ennui, s'éclaira d'un sourire. En un clin d'œil, elle transporta sur la table son assiette et sa corbeille et s'installa de manière à faire face à ses deux visiteurs. À travers la mobile feuillée des framboisiers, un rayon de soleil filtrait de temps en temps semant des grappes de lumière sur les cheveux de la jeune fille, sur son cou blanc et sur la naissance de sa poitrine que laissaient voir les chancrures d'un peignoir de toile rayée. Ses bras nus sous les larges manches montraient jusqu'au coude leur fraîche rondeur. Ses doigts rougis allaient et venaient de la corbeille d'osier à la jatte demi-pleine, triant les fruits avec délicatesse et parfois en portant plus d'un aux lèvres avec de petits gestes espiègles. Dans cette pénombre et dans ce négligé flottant, la beauté d'Angèle avait je ne sais quoi de plus attirant et de plus intime. Une exquise odeur de fraises, répandue et mêlée au parfum des œillets du parterre, achevait de produire sur René une impression troublante et lui faisait regretter plus vivement encore le tête-à-tête manqué. « Je vous croyais absorbé par vos élucubrations religieuses, » dit-il à Joseph de ce ton dur et sec qu'il savait si bien prendre quand il était contrarié par un fâcheux. « Vous abandonnez donc maintenant la sainte cause pour courir les champs ?»« Eh bien oui, » répondit Joseph avec bonhomie. « Il faisait si beau temps. Je n'ai pas eu le courage de m'enfermer avec des in-folio. Le printemps vous pervertit, Toussaint. Je vous supposais une vie plus inaccessible aux tentations. Moi, s'écria sincèrement le pauvre garçon, hélas, je mène au contraire une vie de saint Antoine très tentée. Il soupira en lançant un coup d'œil furtif vers Angèle, qui souriait, puis reprit dans son langage toujours émaillé de paraboles. Voyez-vous, il y a des moments où mon âme est comme une chaude après-midi d'été. Tout y exhale son parfum, tout y est plein de bourdonnements berceurs, si bien que la raison s'y endort. C'est seulement la brune que de tous côtés les rumeurs débusquent, pareilles à des chauves-souris au vol agité. Il aurait pu parler longtemps sur ce ton allégorique, personne ne l'écoutait. René dévorait des yeux Angèle, dont les traits exprimaient par une pantomime espiègle combien elle était dépitée de ce contretemps. Peu à peu, la conversation languit, puis tomba. La jeune fille continuait lentement l'épluchage des fraises. René bouillait d'impatience. Il ne s'en ira donc pas, songeait-il avec une vive irritation intérieure. Mais Toussaint ne bougeait pas. À la fin, les armoises se leva, et fouettant de sa canne ses bottes poudreuses. « Allons, » dit-il, « maintenant que nous sommes assurés que Mademoiselle Angèle ne s'ennuie pas trop, nous allons la laisser à ses occupations domestiques. Venez-vous, Toussaint ?»« Comment déjà ?» s'écria naïvement Joseph. « Je suis sûr que Mademoiselle nous aurait volontiers gardés à dîner. » « En l'absence de Madame Sénéchal, ce ne serait pas convenable, » répliqua sèchement René. « Croyez-vous ? » murmura Toussaint, ébahi et confus en entendant les armoises lui donner une leçon de convenance. « Le croyez-vous, mademoiselle ?»« Mais je ne sais, » répondit-elle en riant pour cacher son embarras. Il feignit d'être très affairé par ses fraises pour se dispenser de s'expliquer plus clairement. « Allons, mon cher, » reprit René, en regardant sa montre avec impatience. « Partons. » Nous arrivons juste pour prendre le train à Chaville. » Il passa son bras sous celui du désolé Toussaint et l'entraîna vers la porte du jardin. Ils redescendirent ensemble l'avenue de l'Ursine. Joseph était devenu taciturne. René, au contraire, voyant les choses prendre une meilleure tournure, avait une gaieté frondeuse et babillarde. Quand ils eurent atteint Chaville, il serra brusquement la main de son compagnon. « Vous voici à la station, je vous laisse, » dit-il. « Mon cheval est resté à l'écurie de Villebon, et je vais l'aller rejoindre à travers bois. À bientôt, mon brave philosophe. » Il partit en effet dans la direction de Villebon pour dépister Toussaint dans le cas où celui-ci aurait été tenté de le suivre. Mais lorsqu'il fut arrivé à la mare Adam, il redescendit rapidement vers le rond-point de l'Ursine, remonta la pente opposée et rentra tout essoufflé à Vélizy. Quand il rouvrit doucement la porte de la salle à manger, Angèle était à table et achevait de dîner. « Ah ! » s'écria-t-elle malicieusement, tandis que sa figure joyeuse démentait ses paroles. « C'est mal à vous de ne pas avoir accompagné Joseph jusqu'à Paris. »« Vous le regrettez ? » fit-il en se mettant à table sans façon et en picorant des fraises. « Renvoyez-moi, mais auparavant, ayez la charité de me donner un verre d'eau, car je meurs de soif. » Elle se leva, apporta un couvert, puis le força de manger et de se laisser servir. Elle lui fit du café, le lui versa tout bouillant dans sa tasse à elle, où personne de la maison ne buvait jamais. On voyait qu'elle était heureuse d'aller devenir autour de lui pour prévenir ses moindres fantaisies. Quand il eut fini, elle débarrassa lentement la table et remit tout en ordre. Elle était si charmée du retour de René, elle savourait si bien à plein cœur la joie de l'entendre parler, que malgré la promesse faite à Madame Sénéchal, elle oublia complètement de prévenir la femme de ménage. Le soir tomba sans que les deux amoureux s'aperçussent qu'ils étaient seuls au logis. Quand le couvert fut enlevé, Angèle alluma la lampe, puis, revenant s'asseoir près du poêle, « Là, dit-elle, nous voilà chez nous. Êtes-vous content ?»« Je suis heureux, répondit-il de sa voix la plus caressante. « Pauvre Joseph, murmura Angèle en cueillant une feuille de framboisier et la posant contre sa joue brûlante. « Il se morfond maintenant entre les quatre murs de sa chambre. Ne vous sentez-vous pas un remords ? Moi ? Pas le moindre. » Le pauvre Joseph se morfondait en effet, non pas dans sa mansarde de la rue de Vaugirard, mais sur les talus verdoyants de l'étang de l'Ursine, où les rainettes chantaient en chœur. Arrivé au guichet de la station, il avait été pris soudain d'une belle rage. « Il ne sera pas dit que j'ai manqué cette occasion unique de m'expliquer librement. » S'était-il écrié, « Je suis venu pour oser et j'oserai. » Il avait brusquement rebroussé chemin. Mais à mesure qu'il se rapprochait des bois, son audace diminuait. Comment Angèle accueillerait-elle ce retour indiscret ? « Si je dînais pour prendre des forces, » murmura-t-il. Il rétrograda vers l'auberge de Chaville, se fit servir un dîner auquel il ne toucha que du bout des dents, mais il but toute une bouteille, prit du café, et ainsi réconforté, il reprit le chemin des étangs. Le soleil déclinant jetait obliquement ses derniers sourires sous les feuillets. Avant la chute du jour, Toussaint sentait tomber aussi le peu de courage qu'il avait puisé dans le vin clairet du cabaretier. Il s'assit au bord de l'eau, écoutant machinalement le coassement des grenouilles dans les joncs, les cris des enfants dans le village, et cherchant ce qu'il promet lire à Angèle en entrant. « Allons !» s'écria-t-il en se levant tout d'un coup d'un air désespéré. Il gravit lentement la montée de Vélizy, si bien que lorsqu'il arriva près de la palissade du verger, le soir commençait à brunir. « Ce n'est guère une heure convenable pour se présenter, » soupira-t-il piteusement. Pourtant, il tâta le loquet de la porte du jardin. Elle n'était pas encore fermée au verrou. Alors, sans bruit, il se glissa dans le verger tout embaumé de chèvrefeuilles. Il atteignit une allée herbeuse qui donnait droit sous la fenêtre de la salle à manger, la suivit un moment et tout à coup chancela, comme s'il reçut un coup violent à la poitrine. La lampe brillait dans le fond de la salle, et la douce lueur, tamisée par le feuillage des framboisiers, permettait de distinguer confusément ce qui se passait à l'intérieur. Deux silhouettes se dessinaient en noir sur les feuillets, et des voix montaient dans le silence du jardin. Joseph distingua d'abord la voix vibrante et chaude de René. Il disait des vers d'amour, tout imprégnés d'une tendresse passionnée. Quand il eut fini, la voix limpide d'Angèle s'éleva à son tour. « Qu'ils sont beaux !» murmura-t-elle, « et comme je les aime !»« Pourquoi n'en faites-vous plus ? Vous devenez paresseux !»« C'est que je vous aime trop !» répondait-il. « On ne peut servir deux maîtres, l'amour et la poésie. Vous avez pris toutes mes pensées et rempli toutes mes heures. Vous êtes maintenant ma poésie, la seule vraie après tout, car c'est la poésie vécue. Je veux que vous travailliez !» reprenait-elle d'un joli ton boudeur en lui tendant les deux mains. Il les tenait serrées dans les siennes, et à travers les interstices du feuillage, Toussaint le voyait couvri de baisers non seulement les petites mains captives, mais encore les poignets et les bras d'Angèle. La bouche du poète ne quittait plus ses beaux bras nus à peine protégés par les amples manches du peignoir, et dont la fraîche carnation se laissait deviner parmi les feuilles. Toussaint n'en put supporter davantage, pâle et se mordant les lèvres jusqu'au sang, il regagna la porte du verger et s'enfuit, tête baissée à travers bois. Arrivé à une clairière lointaine, il se laissa tomber à terre et enfouit sa figure dans les bruyères comme pour y étouffer ses sanglots. Tandis qu'il fuyait sous bois, les baisers toujours plus audacieux de René couraient le long du léger peignoir de toile, si bien qu'Angèle en sentit bientôt l'impression sur ses épaules et son cou. Effrayée d'elle-même et de lui, elle se leva précipitamment et se réfugia près de la lampe. « Qu'avez-vous ? » s'écria René, dont les lèvres avaient pris goût à ce régal et qui était encore excité par la capiteuse odeur des chèvres aux feuilles du jardin. « Pourquoi me fuyez-vous ? » « Parce que... » elle parlait à voix basse, comme si elle eût craint d'entendre sa propre voix. Sa figure exprimait à la fois la joie et l'appréhension, la tendresse et la honte. « Pourquoi ? » répéta-t-il presque impérieusement. « Vos baisers me troublent !» répondit-elle avec un délicieux accent de pudeur naïve. « Je ne veux plus que vous m'embrassiez. »« Vous ne m'aimez pas !» fit-il froidement. « Vous ne savez pas aimer !» Et sans plus la regarder, il alla s'asseoir avec dépit sur le divan. Ces froideurs-là, quand on est passionnément aimé, ne manquent jamais leur effet. Elle eut peur de l'avoir fâché, se reprocha à ses sottes frayeurs, et revenant s'asseoir près de lui, « J'ai menti, » murmura-t-elle de l'air repentant d'une enfant câline. « J'aime vos caresses. Me voici, rendez-les-moi. Ne soyez pas fâché. Quand je vois votre regard se durcir, cela me brise le cœur. Ne suis-je pas vôtre depuis longtemps, et n'êtes-vous pas mon seul maître bien-aimé ?» René avait repris possession de sa taille souple, dont il sentait toutes les ondulations sous le peignoir de toile. Comme un enfant auquel on donne un fruit longtemps désiré, longtemps refusé, le poète maintenant dévorait avec une hâte fiévreuse ce beau fruit d'amour, encore tout imprégné de virginale rosée. Les baisers tombaient comme une pluie chaude sur le cou, sur les épaules, sur les yeux mi-clos de la jeune fille. Elle se défendait mal, et dans le verger, les rossignols chantaient si fort qu'ils achevaient de couvrir de leur voix mélodieuse les dernières protestations d'Angèle. Toussaint aussi, prosterné dans la bruyère, entendait cette divine musique ailée de la nuit de mai, accompagnement railleur de la douloureuse déception dont il souffrait. « Et je n'en avais rien vu, » songeait-il en dévorant ses larmes. « Étais-je assez aveugle ? Ils ont dû me prendre pour un imbécile. Comment pouvais-je lutter contre lui, si beau, si séduisant, si magnifiquement doué ? J'aurais dû prévoir cela et me tenir dans mon coin. » Et presque involontairement, car notre naturel se manifeste même dans nos plus désordonnés mouvements de trouble, il se mit à songer à la parabole du Livre des Rois, à ce pauvre homme qui n'avait qu'une brebis et qui se la vit dérobée par un voisin riche et possesseur de gras troupeaux. Ce désarmoise avait tant de richesses, lui, l'art, le plaisir, les applaudissements, la gloire. Moi, je ne possédais que cette simple espérance d'amour. Et un sanglot strident comme un cri s'échappa de ses lèvres. Sa plainte navrante s'envola dans la nuit. Un rossignol seul y répondit par une longue phrase entrecoupée de soupirs langoureux. Un second rossignol reprit la phrase commencée, et ainsi, d'arbre en arbre, à travers le bois, la plainte de Joseph, traduite et commentée par ses sonores gosiers d'oiseaux, parvint jusqu'à la croisée tapissée de framboisiers. La lampe s'était éteinte. L'aube blanchissait au loin derrière les seigles de la plaine. Angèle s'était assoupie. Elle fut réveillée tout à coup par la chanson des alouettes dont les notes éclataient dans l'air frais comme une fusée joyeuse. Elle entr'ouvrit les yeux, vit René agenouillé à ses pieds, la contemplant avec une muette admiration, et elle sourit. Puis, s'apercevant que le ciel blanchissait, elle posa sa main sur la tête du poète. « Voici le jour, » murmura-t-elle. « Il faut vous sauver, cher mien. » Il prit sa main, la baisa, et se levant, se prépara au départ. Comme elle faisait mine de vouloir le reconduire, il la contraignit doucement à ne point bouger et arrangea lui-même sa tête sur les coussins. « Reste, » lui dit-il, « et dors. Je t'aime. À bientôt. » Il lui donna un dernier baiser et sortit. Angèle demeurait étendue dans un demi-engourdissement délicieux. Elle aurait voulu mourir ainsi. Les paupières mi-closes, elle écoutait le bruit des pas s'éloignant, le susurrement des feuilles, le chant de réveil des alouettes, et elle se répétait, comme une berceuse, les vers du poème de René. « Je m'endors, et là-bas, le frissonnant matin, baigne les pampres verts d'une rougeur furtive. Et toujours, cette odeur amoureuse m'arrive, avec le dernier chant d'un rossignol lointain et les premiers cris de la grive. Peu après, les longs cils de ses paupières alourdies s'abaissèrent sur ses genoux et elle s'endormit profondément.